J'suis pas beau comme Clark Kent, j'ai les crocs du Kraken. Young mec au crack, head, cons, héros, crack, met, yo. Base 13. Yo, j'en place une pour les saucisses dans les boucanés. Une pour les suceuses de grosses bites dans les boucaquets. Courage, ça sera long quand je vais vous broyer. Devant la concu, j'suis comme un renard dans un poulailler. Ouai, t'enfuir, mais pour aller où? Mon rap, c'est de la drogue dure, à côté le crack paraît doux. J'cadrerai tout des vies, des plaques, des goûts. J'suis gentil, mais mon ami imaginaire me dit frappe les tous. Jamais en retard, négro, c'est mes copies qui imposent leur. Stop ton rap de hustler, ta bébé brune en poster. Fuck ces imposteurs qui se mettent un doigt dans le huc et mettent un couteau dans un toaster. Ah, t'es faille, fuck l'école, fuck les clones, fuck les flags, c'est fils de pute de lâche. Ma mère reniera jamais, moi j'suis pas pédé. Et j'passe pas sur une minute de rap, j'tag partout comme Basquiat. Chaque flop sur les murs est comme un tatou sur gros cul de Marianne. Les couleurs servent de maquillage. Je crois pas qu'un bloc-notes peut changer le monde. Demande Akira, Harry. Rap, cam, coke de qualité, pas de farine. Tu dis t'vas pas kiffer, mais j'en ai retrouvé dans tes narines et dans bien d'autres cavités. Je sais que tu vas kiffer, gars, même si ça vient pas de Paris. Oh, ça vient de la run. Saint-Denis, ma ville. Même en extérieur, je déjoue les buts des fascistes et des racistes. Et j'avise à Air Marine comme si je m'appelais Karim. Yo, hey, yo, je fais ça toute la night. Mais parle-moi pas de passion, je fais ça pour la maille, cousine. Moi, je veux juste ta grosse chatte. Tu veux que j'achète du Gucci? Je vais t'habiller à Norgat. Et si t'aimes pas les gros mots sur les bobos, écoute l'homme pâle. Les tocards qui disaient saut, ça me dégoûte comme l'eau pétillante. 2020, ça rappe plus, ça fait que pousser des gémissements. Ceux qui rappent, c'est jeunes héros, jeunes mécos. Chercheur de métaux, yo. On est tellement frais qu'on en devient chaud, yo. On est tellement fort qu'on en devient chauve.